There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize consciousness is affected? There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news brought to you live. Bienvenue dans En Profondeur sur CKUT 90.3 FM à Montréal. Je m'appelle Antoine et je suis votre animateur aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans l'émission, je vais vous présenter une compilation des réflexions entendues à l'occasion de l'atelier Histoire de l'écologisme radical au Québec, auquel je me suis rendu dans le cadre de la semaine Vainque la marée noire. Cette semaine d'atelier et de discussion fut organisée la semaine dernière par le collectif Appel de l'Est. Ensuite, le 4 juin, le regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec a organisé une tournée en autobus de hauts lieux d'insalubrité dans différents quartiers de Montréal. Des dizaines de locataires se sont regroupés dans le bureau de M. Russell Copman, responsable de l'habitation au conseil exécutif de la ville. Vous allez entendre la porte-parole du RECLAC nous expliquer les raisons de cette action. Mais tout d'abord, je reçois aujourd'hui les membres du comité organisateur du tournoi de football antiraciste ici à Montréal, qui s'est tenu toute la semaine dernière et qui s'est terminé ce week-end. On va discuter du tournoi, mais aussi de l'esprit de ce collectif et de leur combat. Donc tout ça, ainsi que de la musique et bien sûr, pour le dernier quart d'heure, la chronique des apatrides anonymes. Donc vous écoutez En Profondeur et on revient dans un instant. Vous écoutez à nouveau En Profondeur sur CKUT 90.3 FM. Il est maintenant 5h02. Donc, nous commençons donc cette émission en recevant les membres du collectif d'organisation du tournoi du football antiraciste à Montréal. Ce tournoi s'est tenu de vendredi à dimanche en regroupant 12 équipes. Donc, bonjour Mathieu et Davidé, je suis ravi de vous recevoir dans mon émission aujourd'hui. Bonjour. Donc, vous allez un peu nous expliquer quel est ce tournoi que vous organisez. Donc, comment vous avez organisé ce tournoi la semaine dernière? C'est un tournoi de football antiraciste et antifasciste. D'abord, comment ce tournoi s'est-il déroulé? Premièrement, c'était la deuxième édition du tournoi. Ça s'est bien déroulé. On a eu un concert mardi aux Catacombes. On a eu des projections de documentaires. Et le tournoi qui avait lieu de vendredi à dimanche, où est-ce que 12 équipes ont participé. Oui, puis il y avait une très belle ambiance. Et un peu comme l'année passée, beaucoup d'énergie sur le terrain, et du bon fair play, puis on a eu une gagnante. Oui, donc est-ce que les équipes représentent des groupes particuliers ou c'est des groupes de copains ou des collectifs qui viennent pour jouer? Je pense que c'est un mélange un peu de beaucoup de choses. En fait, l'équipe gagnante, ça a été l'association des locataires de Villeray. Donc, c'était tous des locataires et des membres de l'ALV. En dehors de ça, il y a eu des gens avec comité UQAM Amérique latine qui sont rendus également en finale. Sinon, ça a été des collectifs qui pouvaient être militants ou qui ne l'étaient pas. Ça a été une diversité, en fait, beaucoup dans les équipes. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ce tournoi il est antiraciste et comment vous est venu l'idée d'organiser un tournoi de football antiraciste à Montréal? L'année passée, on pensait surtout, on faisait du sport en fait entre amis. Puis on pensait aux différents tournois antiracistes qui existent à l'étranger. Et donc on se disait pourquoi pas reproduire un tournoi antiraciste aussi à Montréal. Puis c'était aussi un peu la période de la charte des valeurs. Et puis évidemment toute la montée de la xénophobie, pas tout simplement en Europe, mettons les différents partis en France, en Italie, etc., mais aussi au Nord d'Amérique. Et alors on se disait, bon voilà, l'antiracisme c'est encore un enjeu très important à l'intérieur de l'antifascisme. Reprenons par les sports ces valeurs-là et essayons de faire un tournoi antiraciste. Et du coup, lors du tournoi en lui-même, comment se manifestent ces marques de l'antiracisme? C'est des messages qui sont dits avant les matchs, des choses? Oui, en fait, on l'a fait par rapport à l'année passée et cette année également, avant des matchs de groupe et de finale, en fait. On fait des petits discours, mais également dans la portée de l'appel du tournoi, par rapport aux différentes activités qui sont dans les documentaires et autres également. Mais aussi, je pense que c'est beaucoup par l'interaction qu'on essaie d'avoir sur le terrain, dans l'interaction des différentes personnes qui sont là, d'avoir justement des connexions, des échanges qu'on n'aurait pas dans les milieux auxquels on est habituellement. Donc, du coup, est-ce que pour vous, le sport se montre, vu que c'est la deuxième fois que vous l'organisez, est-ce que vous pensez que ce tournoi-là, il est aussi efficace pour faire passer les idées et changer les mentalités que, par exemple, une manif ? Les deux choses, probablement, sont complémentaires, ont des caractéristiques spécifiques. Pour ce qui concerne les sports, mettons, et faire un tournoi ou n'importe quoi, et amener des valeurs politiques comme l'antiracisme ou d'autres à l'intérieur du sport, et ça mène de l'agrégation. Donc le fait de pouvoir dire, c'est pas juste des militants qui vont à la manif, mais quelqu'un qui est juste, comme dire, fasciné par le soccer ou le volleyball ou je sais pas quoi, par les sports, il veut faire du sport, puis il va là, mais il se trouve dans un environnement politisé. Et je pense que c'est ça un peu la valeur de plus d'amener de la politique dans le sport. Et du coup, ça c'est une petite question à part. Est-ce que vous pensez que le sport qui est montré actuellement à la télé, le sport professionnel, il représente vraiment les bonnes valeurs? Et est-ce qu'il y a des marques souvent de bonnes valeurs dans le sport qu'on voit tous les jours à la télé? Non, mais malheureusement, c'est justement, en fait, aussi ça fait une réponse un peu à ça, en fait, le foot business ou le sport business, comme on l'entrevoit par rapport à la dernière Coupe du Monde qu'il y a eu, ou même dans tous les sports en particulier, mais c'est une réaction un peu à ça. Le jeu, la pratique du sport, c'est une réappropriation en tant qu'on se le fait, puis pas se dire que c'est juste un spectacle qu'on doit payer pour aller voir, mais c'est une manière de vivre, une manière d'échanger entre différentes personnes. D'accord. Donc, on a vu que vous avez aussi organisé un concert et des événements. L'idée, c'est aussi ce tournoi, il y a une certaine manière de le financer. Et est-ce que c'est facile de financer un tel tournoi ici à Montréal? Et comment ça s'organise un peu logistiquement pour l'organisation de ce tournoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Ben, non, ce n'est pas facile d'organiser. Ben, c'est financier. Et puis non plus du côté logistique, c'est facile, il faut des membres, puis des membres actifs, et il faut aussi trouver des partenariats comme des groupes qui, d'une façon ou de l'autre, peuvent aider par solidarité et peuvent aider l'événement, donc créer des relations qui sont valorisantes, qu'ils valorisent, donc des relations qu'ils valorisent quelque chose de politiques et qui permettent donc de bâtir l'événement. Par exemple, peut-être Mathieu pourra vous en parler un peu mieux, et au moins nous on a eu cette année Francomand, un groupe duquel justement Mathieu est aussi membre, qui nous aidait beaucoup là-dedans, et ça c'était fondamental. Non, vas-y Mathieu, si tu veux en parler un peu. En fait, Francomand c'est un groupe de supporters de l'Impact de Montréal qui en tribune porte en fait l'antifasciste, l'antiraciste, l'antisexiste à travers des actions ou à travers des comportements qu'il peut y avoir en tribune ou par rapport à des réactions d'autres supporters qu'il peut y avoir également. Donc, ça a été, en fait, le spectacle a été fait en collaboration avec Front commun. Donc, on a pu établir des liens avec, justement, peut-être le côté plus stade, comme qu'on peut voir en Europe ou en Amérique, un petit peu plus largement en Amérique du Sud, beaucoup. Puis peut-être que je pourrais ajouter également sur le gros problème, la première année qu'on entrevoyait, c'est le terrain. C'est assez de trouver justement des terrains. Souvent, c'est des terrains synthétiques donc, qui sont utilisés souvent. Mais on a réussi à trouver un terrain qui est délaissé, en fait, qui est souvent l'abandon. Donc, de cette manière-là, c'est aussi se le réapproprier en tant qu'espace pour l'autogérer, puis l'arranger entre nous-mêmes, en prendre soin, en fait. Et du coup, C'est vrai que ce qu'on pourrait remarquer, on sent qu'il y a aussi une inspiration dans certains mouvements qui existent un peu en Europe sur combattre le racisme et le fascisme par le sport. Est-ce que vous pensez pas que le sport nord-américain est trop aseptisé et laisse pas rentrer de messages politiques, même des messages politiques qui seraient bénéfiques pour la société? Oui, effectivement. On n'a pas cette historique-là par rapport à ce qui peut se passer en Europe et en Amérique du Sud, principalement. Ou est-ce que quand, ou même au Maghreb, comme on l'a vu durant les derniers soulèvements. Donc, c'est des espaces politiques que des gens vont reprendre, en fait, en lançant des messages contre des dictatures, contre différentes. En réaction à différentes actions que le gouvernement ou que la police peut faire. Donc oui, en Amérique, en fait, le sport, pour beaucoup, est un spectacle. Et même, en fait, l'expérience qu'on peut avoir ici, même avec l'impact, qu'on essaie de remettre ça de l'avant, mais les bannières sont regardées avant les matchs, les tifos sont regardés justement pour pas qu'il y ait un message politique qui est mis de l'avant. Je vais juste ajouter qu'en Europe, malheureusement aussi, je ne sais pas trop... En Amérique latine, mais en Europe aussi, ça a beaucoup reculé la place du politique dans le sport. Et il y en a toujours de moins en moins de courbes dans les stades qui sont politisées, qui amènent de la politique dedans. Et par exemple, un dernier contact que j'ai eu dernièrement à Bologne, il y a des groupes antifascistes de gauche, mais dans les stades, ils s'interdisent eux-mêmes de rentrer avec des affaires politiques ou des sujets politiques. Donc peut-être, qu'est-ce qu'on voit de plus, selon moi, en Europe aussi, c'est la réappropriation. Donc vraiment une autogestion du sport et une réappropriation du sport à partir vraiment du peuple et des initiatives populaires. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible? On sait que Mathieu, par exemple, fait partie d'un groupe de supporters à l'Impact. Est-ce que vous pensez que dans les sports de masse ici au Canada, ça serait possible de ramener une forme de message politique dedans? Je pense que c'est possible, mais beaucoup, je pense par le football, par le soccer, tandis que d'autres sports, comme mettons le hockey, déjà les prix des billets sont dérisoires, sont non accessibles. Le football américain également, il n'y a pas cette historique-là ou ce lien avec le monde-là, donc c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais oui, avec le football, le soccer, je pense qu'il y a cette possibilité-là, il y a ces liens à faire avec les autres groupes de supporters de même tendance que nous, donc antifascistes, qui pourraient être faits et pourraient être développés également ici. Donc du coup, comment comptez-vous faire? C'est que votre deuxième tournoi, donc vous êtes le collectif est encore jeune. Comment vous comptez évoluer? Et est-ce que vous avez d'autres événements prévus en marge de tournoi dans l'année qui va suivre? Mais, c'est sûr qu'on va continuer avec le collectif. On va avoir une réunion bientôt et on va décider un peu les parcours. Les projets sont plusieurs, les ambitions sont hautes, mais voilà, qu'est-ce qu'il nous faut, c'est vraiment des membres, des contacts intéressants qui peuvent être solidaires avec les collectifs. Je sais pas, Mathieu, qu'est-ce que tu... Oui, en fait, je pense que ce qu'on va essayer de faire également, c'est de ne pas faire un seul événement, de créer des liens, en fait. Donc, de ne pas avoir un événement qui est fort, puis de laisser ces liens-là s'estomper avec le temps, mais de créer d'autres, des projections ou autres trucs qui pourraient rendre vivants ces liens-là, puis c'est ça, les rendre encore plus faciles l'année suivante. Mais par exemple, on sait que, vu qu'on a parlé aussi de politisation du sport, est-ce que vous serez prêt à faire entrer des gens qui combattent l'austérité, genre ce type de message-là, dans d'une organisation sportive, par exemple, comme on a pu le voir, c'est peut-être le genre d'événement qui manquait lors de cette année, des manifestations, quelque chose de plus populaire qui ramène les gens, ça serait une possibilité? Mais on avait en fait organisé une manifestation antiraciste qui c'était samedi passé, et c'était en fait organisé en collaboration avec, je m'en souviens plus qui, Action Antifasciste Montréal, c'est ça. Puis on n'était pas beaucoup mais ça c'est pas grave, mais c'est sûr que le collectif est ouvert à des événements plus politiques, si on veut le dire, comme ça. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter. Peut-être aussi à rajouter la manière de contacter le collectif pour tous les gens qui seraient intéressés pour s'engager. Vous avez dit que vous cherchez de nouvelles personnes motivées. Donc, voilà, je vous laisse la parole encore pendant une petite minute. Oui, donc, en fait, le principal lien qu'on pourrait avoir, c'est sur Facebook. Donc, chercher Sport Antiracisme Montréal. Il y a un Gmail qui est là, donc envoyer un courriel ou sinon de suivre la page pour être au courant des différentes activités qu'il pourrait y avoir prochainement. Voilà, David, peut-être un dernier mot. Ben, je vais juste souligner que c'était sympa et que donc, je pense qu'il a dit qui nous écoute. Les prochaines années, venez jouer vous aussi. Vous, il y a eu des équipes individuelles, donc des équipes qui se sont formées à partir des inscriptions individuelles. Et puis voilà, donc venez nous soutenir, venez surtout jouer en nom de l'antiracisme. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite dans cette émission aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuation et longue vie au sport communautaire, et plus particulièrement celui qui combat le racisme et le fascisme. Donc on va revenir dans quelques instants dans cette émission en profondeur après un peu de musique. La chanson s'appelle Mexico par Horse Dreamer. Uno, dos, tres, cuatro. Girl, you took the hand of this broken man and you showed me where to go. Across the desert sands to the borderlands where the Rio Grande flows. You took me across the river and we were soaked down to our bones to find a place to live and try to make a happy home in Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Mexico. Life is simple here, and the skies are clear, and the land is fit to farm. Trees are full of fruit, and the living's good. Build a house with muddy hands. You took me across the river. We were soaked down to our bones to find a place to live. Tried to make a happy home. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Can't be blamed, cause the law makes up their lies. They try to pin the crime, we won't do the time. We kill no man who shouldn't die. You took me across the river, and we were soaked down to our bones to find a place to live and try to make a happy home. Mexico, Mexico, Mexico. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Vous écoutez à nouveau en profondeur sur CKUT 90.3 FM. Il est maintenant 5h19. Donc, le 4 juin, le regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec a organisé une tournée en autobus de hauts lieux d'insalubrité dans les différents quartiers de Montréal. Donc, des dizaines de locataires se regroupaient devant le bureau de Russell Cobman, qui est le responsable de l'habitation au conseil exécutif de la ville. Et vous allez entendre une discussion avec Madame Maud Béguin-Godette, qui est la porte-parole du RECLAC, et qui va nous parler de l'insécurité des locataires, des problèmes avec les mesures existantes et du laxisme de la ville. Donc cet entretien fut produit et réalisé par Anouk Millet pour En Profondeur. Et donc, on écoute ça maintenant. Mon nom est Anouk Millet, je suis au téléphone avec Maude Bégin-Godette, la porte-parole du RECLAC, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonjour Madame Godette. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre organisation tout d'abord? Oui, ben le RECLAC, c'est un regroupement national en défense des droits des locataires qui regroupe 50 comités logements un peu partout sur le territoire du Québec. Et on a comme mission principale d'être le porte-parole des ménages locataires les plus démunis et de travailler en défense des droits des locataires. Et à Montréal, alors, quels sont les quartiers ou les secteurs les plus touchés par ou pour lesquels vous travaillez le plus? En fait, il y a des comités logements dans à peu près tous les quartiers de Montréal. Donc, on a environ 20 comités logements sur l'île. Donc, on couvre quand même un assez large territoire de l'île de Montréal. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de justement de l'état et de quoi ressemblent ces appartements en fait? Oui, c'est des appartements épouvantables. Écoutez, des infestations graves de coquerelles, de punaises de lit, de moisissures, des infiltrations d'eau, des problèmes de fils électriques qui traînent dans l'eau, de balcons dangereux. Toutes des situations qui mettent en danger la santé et la sécurité des locataires. Hein, les locataires qui habitent là, ben, ont des problèmes de toux, des problèmes respiratoires, des problèmes cutanés, des rhinites, des allergies, des vomissements, des maux de tête, des piqûres partout sur le corps. Puis c'est souvent des familles avec enfants, donc c'est des jeunes enfants qui sont victimes de ces situations-là. Hein, la moisissure, hein, c'est souvent, elle n'est pas toujours visible, elle est prise entre les murs. Malgré tout, on est tout le temps malade, on a des maux de tête, on a toujours le rhume. Les enfants qui n'avaient aucun problème d'asthme se mettent à avoir des problèmes d'asthme. Donc, c'est ce genre de situation-là. Donc, ça, c'est quand la vermine, elle court pas partout aussi, là, c'est les rats, les coquerelles. Les coquerelles aussi, c'est vraiment dangereux, en fait, l'effet que ça a, c'est au niveau respiratoire, là, c'est aussi grave que la moisissure. Donc, c'est vraiment des logements délabrés. On a juste à se présenter devant les immeubles pour constater à quel point on n'aurait pas envie d'habiter là. Et c'est des logements, comme vous disiez, qui sont dans cet état depuis un moment déjà. Exactement. Ah oui, on a des logements qui sont comme ça depuis 10 ans, 15 ans. Il y en a que ça fait 5-6 ans que la ville est au courant. Tu sais, c'est vraiment... Oui, non, ça dure depuis longtemps. Puis ouais. Ça devrait cesser parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui en souffrent. Vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez fait une tournée hier des logements insalubres à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de comment ça s'est passé? Oui, exactement. On a organisé hier une tournée en autobus de différents quartiers de Montréal. Donc, l'idée, c'était d'aller visiter des immeubles insalubres à Montréal. Donc, des immeubles qui sont identifiés par la Ville de Montréal, que la Ville de Montréal connaît. Mais à notre avis, l'intervention ne se passe pas aussi rapidement qu'elle devrait se faire. Donc, en fait, on a commencé notre tournée, on a débuté devant les bureaux de Russell Copeman, qui est le maire de l'arrondissement Côte-des-Neiges, mais surtout le responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal. On l'a invité à notre tournée. Malheureusement, il n'était pas disponible, il n'est pas venu avec nous. Donc, on voulait vraiment que la ville entende notre message cette journée-là. Mais vous dites que la ville est déjà au courant de l'état de ses logements. Oui, en fait, la ville a une réglementation sur la salubrité des logements. Elle a également différents plans d'action qui visent la mise en œuvre de cette politique-là, de cette réglementation-là. La politique, le plan d'action, tout ça, ça semble, en fait, surtout la réglementation, elle est assez impeccable à notre avis. Ce qu'on déplore à la Ville de Montréal, c'est le manque de mordant qu'elle a dans son application de sa réglementation. Elle a différents outils pour être assez coercitive, pour punir et mettre au pas les propriétaires les plus délinquants. Ce qu'on constate, c'est qu'elle ne le fait pas vraiment. Elle est surtout dans une approche assez conciliatrice, où elle laisse énormément de chance aux propriétaires récalcitrants en refusant, par exemple, d'émettre systématiquement des constats d'infraction. Elle a plus tendance à émettre des avis de non-conformité. Ça, c'est comme une liste de problèmes qui est identifiée dans l'immeuble, qui est adressée au propriétaire en lui disant « Voici, telle et telle, telle situation ne se... En fait, vous êtes à l'encontre du règlement, veuillez vous y conformer et changer les choses en 30 jours. » Parce qu'il n'y a pas vraiment de conséquences à ça, c'est plus un avis. Hein. C'est comme si on se stationne au mauvais endroit puis que la ville mettrait dans notre pare-brise un avis qui dit « Veuillez, s'il vous plaît, changer votre véhicule de place. Hein. » Dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Quand on en fait un règlement, on a généralement une pénalité. Donc, nous, on demande que la ville émette plus de constats d'infraction. Et dans les immeubles qu'on a identifiés, devant lesquels on est passé, ce qu'on constate, c'est que la ville est au courant de ces situations-là depuis plusieurs années. Elle est impliquée au niveau de l'intervention, que ce soit avec des inspecteurs, que ce soit avec certains travaux qui ont été faits, mais tu sais, c'est des immeubles qui sont problématiques depuis plusieurs années, parfois 10 ans, 15 ans, et la situation n'est toujours pas réglée. Puis le nombre de constats d'infraction, par exemple, ça c'est un des outils que la ville a, est très minime. Donc, ce qu'on constate, c'est que la ville n'agit pas assez aussi efficacement qu'elle devrait le faire. Mmh. Pourquoi est-ce que vous pensez justement que la ville de Montréal, elle ne met pas assez de... C'est pas qu'elle manque de mesures, mais c'est qu'elle manque de renforcement et d'enforcement, en fait, de ces mesures-là. Donc, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas la prochaine étape? Elle est pas mal en mode... c'est ça, éducation des propriétaires, en mode de conciliation, en mode assez patient avec les propriétaires. Dans son plan d'action, hein, les premières choses là, dans sa liste de mesures à prendre avec les propriétaires, c'est souvent bon des avis de non-conformité. Après ça, ben ils ont tendance à offrir aux propriétaires certaines subventions pour les aider à rénover leurs immeubles. Mais ça, c'est quand même épouvantable parce que ces immeubles-là, pour qu'ils se rendent à un tel point d'insalubrité, c'est des années et des années de négligence. Donc là, pendant toutes ces années-là, les propriétaires ont saisi, ont rien fait dans leurs immeubles, ils ont laissé les choses aller. Ils ont laissé des godots, l'eau s'infiltrer, et là, oups, là, ça commence la moisissure, ensuite la vermine entre, etc. C'est comme un cercle qui continue. Et là, pendant toutes ces années-là, ben le propriétaire perçoit des loyers, hein, souvent assez élevés de locataires. Et là, pendant ce temps-là, la ville n'a pas émis de contravention. Tu sais, fait que d'émettre des subventions, nous, on trouve ça quand même assez déplorable. Et donc, ensuite vient, après ça, peut-être, les contraventions. Donc, ils sont vraiment dans l'approche plutôt de la carotte que du bâton avec les propriétaires. Ils essaient d'inciter les bonnes pratiques. Hein, c'est ce qu'ils nous disent souvent. Ils veulent inciter les bonnes pratiques pour renforcer les comportements positifs plutôt que de sévir. Puis parfois, ils nous disent, la ville, que tant qu'à émettre des constats d'infraction qui ne seront pas payés, ils aiment aussi bien y aller avec une méthode un peu plus positive. Mais ça ne marche pas. Mais est-ce qu'il y a une certaine... Est-ce que la ville de Montréal, elle suit justement les propriétaires pour voir s'ils mettent vraiment l'argent dans ces appartements et ces logements? Une fois que les subventions sont attribuées, oui là-dessus, il y a un suivi là, qui est fait auprès de la ville, là, mais nous, on pense que ça, c'est pas ça qui devrait être fait en premier. La ville a plein d'outils. Hein. Elle peut mettre des constats d'infraction à s'installer, elle peut faire les travaux en lieu et place. Ça veut dire, si par exemple, dans un immeuble, il y a une grave infestation de punaises de lit, puis le propriétaire ne fait rien, que la ville peut faire, c'est de faire elle-même, en fait, d'engager une compagnie, de faire l'extermination, s'assurer que les logements sont sains et ensuite de facturer le propriétaire en lui demandant de rembourser la ville parce que elle n'a pas voulu se conformer à sa réglementation. Alors là, paye. Tu n'as pas voulu le faire, nous, on le fait à ta place parce que la santé des gens est plus importante. Et elle peut aussi mettre des avis de détérioration sur les immeubles. Donc, à ce moment-là, quand un propriétaire vend son immeuble, le nouveau propriétaire est au courant de ces avis de détérioration-là et il peut exiger que le propriétaire qui vend les corrige la situation avant de vendre. Tu sais, elle a plein de mesures, mais c'est ça, elle les applique pas ou très peu. En fait, juste pour vous donner un indice, là, en fait, depuis 2007, depuis que la ville a différents plans d'action, elle a émis seulement 734 $404,764 en amende. C'est un montant assez dérisoire quand on sait qu'il y a environ 4 propriétaires qui ont reçu 95% de ce montant-là. Donc, ça laisse environ $5,000 par année pour tous les autres propriétaires de la ville. Donc, on voit que leur premier réflexe, c'est pas d'y aller, c'est pas de sévir, c'est vraiment d'y aller de façon... la ville est très patiente avec les propriétaires. Et pour vous, du coup, c'est quoi la solution pour vous à ce problème? En fait, c'est qu'elle change son approche, qu'elle soit dans une approche plus... en fait, qu'elle applique de manière rigoureuse et efficace et sa réglementation. Donc, aussitôt qu'il y a un problème, qu'il y a un constat d'infraction, quand les gens sont malades, qu'elle agisse en lieu et place, qu'elle amène des... Donc, elle utilise tout simplement les outils qu'elle a en main, les outils pour sévir, pour forcer les propriétaires à faire les travaux. C'est ça qu'elle devrait faire, en fait. Une dernière question. Si nos auditeurs veulent participer à votre lutte et vous aider, où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'information ou comment est-ce qu'ils peuvent vous aider? En fait, sur le site Internet du RECLAC, il y a vraiment beaucoup d'informations, soit sur nos campagnes actuelles, sur nos luttes, de l'information sur les droits également des locataires. Il y a aussi un onglet où il y a la liste de tous les comités logements qui se retrouvent au Québec. Et à ce moment-là, si on souhaite s'impliquer, militer pour faire avancer la cause, c'est à l'intérieur de du comité logement là, qui se traite chez soi dans son quartier. Donc, c'est de s'impliquer localement dans son comité logement puis de participer aux actions du RECLAC quand il y en a, parce que évidemment, le RECLAC organise des actions en lien avec ses comités logements, ses membres. Donc, à ce moment-là, il y a possibilité de participer, de s'impliquer. Mais sur le site Internet, il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est toujours possible d'avoir des renseignements ou de nous appeler tout simplement. Puis ça va nous faire plaisir d'informer les gens. Vous voulez donner votre numéro, peut-être? Bien sûr. Le numéro de téléphone du RECLAC, c'est le 514-521-7114. Et l'adresse Internet, c'est le www.rclalq.qc.ca. Quelle est la prochaine grosse manifestation ou événement qui est programmé par le RALP? On va avoir quelques sorties médiatiques au mois de juin en lien avec les déménagements. Mais au niveau des actions davantage, ça va se passer plus à l'automne. On a en octobre, on prévoit la sortie d'un gros dossier noir sur la régie du logement, parce qu'on déplore que la régie du logement fait mal son travail et un parti pris envers les propriétaires. Donc on est en train de documenter une étude vraiment sérieuse sur le sujet. Et on va organiser un lancement et des actions en lien avec ce document-là cet automne. Super. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. De la frontière aux Laurentides. Vous êtes à l'antenne de CKUT. 90.3 FM. Ou sur le web autour du globe à ckut.ca. Donc, vous écoutez CKUT 90.3 FM, c'est en profondeur, et il est 5h33. Je m'appelle Antoine, et je suis votre hôte aujourd'hui encore pour le reste de cette émission. Donc, la semaine dernière a été organisée par le collectif Appel de l'Est, une semaine d'ateliers et de discussions autour des ressources de ce territoire et la défense de l'environnement. Cette semaine s'appelait « Vaincre la marée noire ». Donc j'ai pu assister personnellement à l'une de leurs discussions autour de l'histoire de l'écologisme radical au Québec. Donc je vous en livre une compilation des extraits qui m'ont marqué. Et vous rappelle que le combat pour la défense des ressources qui sont primordiales est totalement capital. Donc c'est bonne écoute. Au Québec, c'est en 1994 avec le PQ et Jacques Parizeau. On a eu la première plateforme politique de développement durable au Québec. Donc, le PQ qui proposait une politique de développement durable. Et les groupes écologistes qui, à l'époque, ont fait des mémoires, ont déposé des choses pour comment ce serait le développement durable dans un Québec souverain, blablabla. À ce moment-là, ça a créé un buzz, dans le fond, dans les groupes écologistes, puis ils se sont mis à utiliser beaucoup le concept. D'autant plus que c'était amené à travers une autre structure qui s'est créée dans les groupes en environnement, qui est le RNCREQ. Je vous demande, retenez pas l'acronyme, là. Ce qui est important, c'est que c'est un réseau qui s'est constitué de conseils régionaux de l'environnement au Québec, qui existent encore dans toutes les régions, qui sont des instances de concertation entre l'industrie, les municipalités, les groupes écologistes. Et ça, ces conseils régionaux de l'environnement-là, ils sont très rapidement appropriés le vocabulaire du développement durable pour en faire un outil pour aller chercher des subventions auprès du gouvernement. Et ces groupes-là, ils se sont constitués, en fait, de 1991 à 1995, et ils ont obtenu une reconnaissance de la part des institutions en 1995, en fait, où, sous l'égide d'enfant de Parizeau, le ministre de l'Environnement de l'époque a accordé au RNCREQ un financement statutaire sur la base de son existence. Donc, vous existez, on vous finance. Mais il n'a jamais fait ça pour les groupes citoyens en écologie. Donc, on voit vraiment ici que le gouvernement a choisi de privilégier une instance qui allait être, qui allait faire du développement durable, qui allait être complaisante envers ses politiques à ce moment-là. Puis, l'avènement du développement durable s'est vu un peu comme une tentative de réconcilier tout ça. Hein? Donc, ça vient du haut, c'est vraiment, ça vient vraiment pas de la base, ça vient dans les grands sommets de l'ONU. Puis bon, c'est les gens au sommet qui discutent de tout ça, qui arrivent avec ce concept, qui disent, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire avec les écolos? Qu'est-ce qu'on va faire avec les environnementalistes? Là, ils nous empêchent de fonctionner, puis c'est chiant. Fait que là, comment est-ce qu'on peut patenter quelque chose? Puis, il y a cette idée-là d'une réconciliation dans le développement durable, puisqu'on met le développement, donc développement capitaliste, parce qu'il n'y a pas d'autre économie, donc développement capitaliste durable, donc qui peut être vraiment comme équilibré, puis sain, puis contenu dans un monde vivant, ce qui est, c'est un oxymore, c'est comme une contradiction, c'est impossible. Mais on arrive, puis on dit, ah, ça va être génial. Et d'une part, il y a un espoir pour les leaders, les gouvernements, les compagnies, de pouvoir comme un peu calmer le jeu. Mais aussi, puis ça, c'est super important, pour les groupes qui se sont battus pendant 10 ans, 20 ans, qui étaient sur le terrain, bénévoles, qui se faisaient rentrer dedans, qui étaient épuisés, qui menaçaient à bout de bras, le fait qu'il y a une possibilité d'avoir une reconnaissance, puis une possibilité de faire des gains aussi, que ce ne soit pas juste tout ou rien, que ça soit on va faire des gains, on va aller chercher des pourcentages par-ci, par-là, comme tu mentionnais avec les petits pas, c'est vu comme, dans le fond, un peu comme un espoir. Si cette promesse-là, de cette réconciliation-là avait effectivement fonctionné, si le fait de faire du développement durable, ça avait marché, probablement qu'on serait même pas en train de se parler, nous autres, aujourd'hui. Parce que le problème aurait été réglé, il n'y aurait plus de pollution, tout serait vert, ça serait, il y aurait la justice partout, ce serait merveilleux. Et c'est un peu ça la promesse. Et sincèrement, les gens qui croyaient à ça, parce que tu sais, bon, je veux dire, il y a des gens qui étaient super bien intentionnés aussi, les gens croyaient sincèrement que c'est ça qui allait se passer. Puis jusqu'en 2015, ceux, celles qui y croient, vraiment mordicus, souvent, croient à la même promesse que si on fait juste continuer à avancer, ça va fonctionner. Quand arrivent les subventions et les institutions dans le mouvement environnemental au début des années 80, il y a des enveloppes donc, qui sont données au groupe, puis souvent, c'est par ça fonctionne soit dans le communautaire, dans le système de la santé du communautaire autonome, par exemple, souvent c'est comme ça. Les groupes vont déposer des projets, puis là, les instances gouvernementales ou que ce soit la direction de la santé publique ou d'autres choses, vont faire « Ah oui, ça c'est un bon projet, ça répond aux objectifs qu'on veut. » Fait qu'on vous donne cet argent-là, puis faites ce que vous voulez avec pour le réaliser. Fait que ça, c'est de la gestion par projet. Puis c'est quelque chose qui était présent, puis qui était distribué à ces 500-600 groupes-là écologistes au Québec par le ministère de l'Environnement. Mais qu'à partir du moment où, dans les années 90, les CRE et d'autres groupes ont commencé à faire la gestion par projet professionnel, hein, parce qu'eux, ils ont eu un financement pour exister. Donc, si tu as un financement pour exister, tu peux payer des professionnels qui montent des projets. Tu peux aller chercher plus de financement par projet. Ils ont continué à accaparer, en fait, ces enveloppes-là, puis à continuer à tasser dans le coin les groupes écologistes citoyens qui, souvent, n'ont pas le temps, les moyens de se préparer un dossier puis de faire « Regardez, on a un plan d'action sur 5 ans alors que tu ne sais même pas si tu vas exister dans 2 ans. » Comme tous les groupes écologistes à discours des années 2000 qui ont fait « Fuck les subventions, on n'en veut pas, c'est pas important. » C'est là, en fait, qu'on voit que cette dynamique-là a contribué à paupériser les groupes citoyens puis à enrichir les groupes qui faisaient du développement. Pour des gens qui veulent commencer à s'impliquer, à militer pour l'environnement, Au tournant des années 2000, il y a deux façons de le faire. Soit tu t'organises de façon corporative sous l'angle du développement durable, puis là tu fais des partenariats avec Cascade, puis avec les compagnies privées, puis là ça fonctionne. Mais si moindrement tu es comme écœuré du système, du capitalisme, etc., ben il n'y a plus vraiment d'alternative. Il y a plus, le RQGA existe encore, mais est beaucoup moins fort qu'il a déjà été. Puis l'emprise des groupes communautaires aussi dans les enjeux est beaucoup moins grande. Donc il y a des groupes qui vont juste faire complètement fi, s'intéressent pas de savoir qu'est-ce qui se passe et s'organisent par leurs propres moyens. Donc on les reconnaît comme étant des écologistes radicaux parce qu'ils sont critiques au système capitaliste, mais aussi et beaucoup parce que ces groupes-là ne veulent pas s'incorporer, ne veulent pas être des OSBL, ne veulent pas être des organismes communautaires selon la définition comme légale ou juridique du terme, juste s'organisent de façon autonome et informelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur au Québec, beaucoup avec le Sommet des Amériques, où est-ce que le mouvement anticapitaliste a comme eu une espèce de boom. Puis, on a recensé, moi, quand j'ai fait la recension, j'ai trouvé en 2000 et 2010, 15 groupes écologistes radicaux qui ont existé à un moment donné au Québec. Il y en a qui ont duré pendant 10 ans, 12 ans, il y en a qui sont encore là, et il y en a plusieurs, en fait, la plupart, qui ont duré peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. 2003 aussi, c'est quand même intéressant de se rappeler que c'est l'année d'élection du gouvernement Charest. Je le mets sur la ligne du temps parce que le gouvernement Charest, c'est celui qui a, en 2007, institué le ministère du Développement durable. C'est eux qui sont responsables en fait de l'implantation ou de la transformation du ministère de l'Environnement, en tout cas de ce qui en restait à la sortie des années 90, en un ministère du Développement durable. Puis en la refonte des politiques gouvernementales au Québec dans cette matière-là. Et c'est aussi, par le fait même, les plus grands bouchers des subventions qui étaient données aux groupes citoyens pour mener des projets critiques de développement. On va pouvoir en parler un peu plus. Et donc, dans ces années-là, le début des années 2000, fin des années 90, on voit vraiment l'écart qui se creuse entre deux tendances de l'écologie, une qui part de la base et une autre qui est imposée par l'autre. On parlait de cette rupture-là, en fait, qui s'instituait, c'est qu'à travers les années 2000, on a fini par voir, en fait, une espèce de non-fonctionnement, en fait, qui s'est comme officialisé du mouvement écologiste institutionnel. Si bien qu'en 2012-2013, il y a plusieurs personnes fondatrices là, dans le mouvement écologiste canadien. On parle de Daniel Green, on parle de David Suzuki, bref, tu sais, les grosses légumes, sans vouloir faire de jeu de mots. Ils ont eux-mêmes écrit des lettres ouvertes où ils disaient « Bon, l'écologisme, l'environnementalisme, comme on l'a fait, ça ne fonctionne pas. » Si vous cherchez, genre, David Suzuki sur l'écologisme en ce moment, c'est la dernière position qu'il y a, c'est « Le mouvement est un échec, où est-ce qu'on s'en va maintenant? » Et là, on est dans cette impasse-là, en fait, où, comme le soulignait Maude Prudhomme, que vous connaissez peut-être, qui est présidente du RQGE, dans un discours à l'Assemblée nationale, c'est que pour le gouvernement Couillard, l'économie et l'emploi, c'est ça les seules vraies affaires. T'sais, le reste, l'eau potable, c'est pas des vraies affaires. L'air, c'est pas des vraies affaires. Puis ils sont rendus tellement loin dans cette corruption-là, dans cette non-écoute-là, qu'on en est à un point de rupture, en fait, en ce moment. Fait qu'il y a une espèce de dissémination des idées qui est quand même, en tout cas, qui est quand même intéressante. Puis là, ben, on peut se poser la question, est-ce qu'il reste des écologistes qui sont pas aussi, tu sais, qui n'intègrent pas la dimension sociale dans leur lutte aussi. Fait que ça, c'est un peu une question. Selon moi, en fait, il y en a plus beaucoup. Là. C'est les questions sociales puis les questions environnementales sont vraiment super imbriquées. Puis peut-être une des manifestations de ça a été cette année avec le printemps 2015 où c'était comme de facto tout de suite. Si on se bat contre l'austérité, on se bat aussi contre l'industrie extractive, contre le Québec pétrolier. Donc ça, pour les écolos là, qui étaient là depuis peut-être les années 60, là, ça c'était comme jamais vu. Là. Comment ça se fait que tout d'un coup, c'est même pas du monde qu'on connaît, puis là tout d'un coup tout le monde s'intéresse à ça. Là, comme les écolos se font dépasser par la population en fait. This is Brother Andrew from Starship Tricky Woo. Got a little song for you. C-K-U-T, take a bite out of me. C-K-U-T, take a bite out of me. When I listen to my radio, I listen to rock and roll sounds. of a CKUT. A CKUT, I take a bite out of me. A CKUT, I take a bite out of me. Et vous êtes de retour dans profondeur sur CKUT, il est maintenant 5h45. C'est donc l'heure de la fameuse chronique des apatrides anonymes dans profondeur. Aujourd'hui, c'est Marie-Ève qui vient nous la présenter. Marie-Ève, c'est à toi. Merci, Antoine. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de trois sujets. On va commencer par faire le point un peu sur les politiques fédérales canadiennes en immigration. Puis, pour mes deux premiers points. Puis on va terminer à l'étranger où je vous amènerai en Hongrie. Alors, commençons par notre cher sol canadien où, en fait, le projet de loi antiterroriste qui était le projet de loi C-51 est entré en vigueur officiellement vendredi dernier. Et dont Mathieu vous a beaucoup parlé là, dans sa chronique de février. Pour mémoire, c'est le projet de loi, entre autres, bon, parce qu'il y a plusieurs éléments dans ce projet de loi-là, mais dans cette loi-là, entre autres, concerne beaucoup le SCRS, donne beaucoup plus de pouvoir au SCRS, qui sont les services secrets canadiens. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il donne maintenant un pouvoir d'action au SCRS, ce qu'il n'avait pas, puisque ce n'était que des services de renseignement. Mais un des éléments dont on a peu parlé dans ce projet de loi-là, qui est devenu une loi maintenant depuis, comme je le disais, vendredi, c'est la nouvelle possibilité pour le gouvernement fédéral de révoquer la citoyenneté de Canadiens ou Canadiennes qui seraient reconnus coupables d'activités terroristes, entre guillemets, de trahison ou d'espionnage. En fait, c'est que cet élément-là de cette nouvelle loi antiterroriste vise uniquement les personnes qui possèdent une double nationalité. Ça pourra s'appliquer également aux membres d'un groupe étranger qui sont impliqués dans un conflit avec le Canada ou à ceux qui s'enrôlent dans une organisation dite terroriste. Évidemment, selon le ministre de l'Immigration, Chris Alexander, que j'aime bien appeler la poupée Ken de la politique fédérale, ce serait pour, et là j'ouvre les guillemets, empêcher ceux qui veulent du mal aux Canadiens de profiter de leur citoyenneté pour mettre en péril la sécurité des citoyens du pays et leur mode de vie démocratique. Donc, évidemment, là, on voit encore toute cette belle propagande. Ça s'accompagne avec les fameuses nouvelles mesures pour tous les ressortissants ne possédant pas un visa d'entrée pour donner leurs données biométriques qui seront aussi... Donc, ces personnes-là, qu'elles aient la nationalité ou non, seront traquées, seront surveillées par l'État canadien. Oui, toujours l'État Big Brother canadien. Évidemment, bon, là, cette mesure-là, ça pose plusieurs problèmes... parce que, ben, de un, on n'avait pas besoin d'une telle mesure parce qu'il y a déjà dans le code criminel puis dans la législation canadienne des mesures qui permettent l'extradition de personnes qui poseraient problème ou qui auraient commis des crimes ou propagande haineuse ou peu importe. Donc, il y a déjà tous les outils en place qui sont pour ça, qui sont là. Ensuite, bon, il y a tout le concept aussi d'organisation terroriste ou d'actes terroristes ou de propagande terroriste, qui est un concept flou, qui est à peu près jamais défini. Puis, ben évidemment, j'étais pas là... j'ai pas pu écouter tout le reportage ou en tout cas le montage qui a été fait à partir de la conférence sur les mouvements radicaux écologistes. Mais on le sait, tu sais, que de plus en plus, les groupes écologistes radicaux sont considérés comme une menace terroriste interne. Puis pas juste les groupes écologistes, peut être les groupes anticapitalistes, etc. Donc, à qui va s'appliquer ou qui sera considéré, encore une fois... C'est très, très large. Ça peut englober beaucoup de monde. Et selon moi, le problème le plus grave, les deux problèmes les plus graves avec cette mesure-là, c'est que encore une fois, c'est qu'on arrive avec le principe de double peine. C'est-à-dire que si on est reconnu d'un crime quelconque, en général, on fait de la prison, il se passe quelque chose, tu sais. Puis une fois, normalement, qu'on a soit fait notre peine de prison ou que... bien, c'est fini. Et normalement, on a payé notre dette à la société. Et bon, c'est supposé être comme ça. Ce qui est assez bizarre, c'est que cette déchéance de nationalité, ça ressemble un peu à la vieille forme de l'exil qui était en forme... bannissement. C'est ça, le bannissement et l'exil. Ça paraît une nouvelle manière pour les États de se débarrasser de ceux qu'ils considèrent leurs indésirables. C'est assez effrayant. C'est ça. Ouais. Donc, non seulement les personnes qui seraient éventuellement reconnues coupables d'actes terroristes, de trahison, d'espionnage, comme je le mentionnais, ben là, non seulement vont payer pour leurs crimes, mais vont doublement payer parce qu'en plus, il y aura la citoyenneté qui pourrait être évoquée, leur citoyenneté. Et l'autre problème, évidemment, c'est que là, c'est qu'on a deux classes de citoyens et citoyennes au Canada, c'est-à-dire les Canadiens de souche et les Canadiens et Canadiennes issus de l'immigration qui, eux, auront moins de droits, que la citoyenneté a moins de poids, finalement, on veut dire moins, moins importante que celle pour les Canadiens ou Canadiennes qui sont nés ici. Donc voilà. Évidemment, ça sera à voir comment ça sera appliqué, si ça le sera, mais on peut être certain que les premiers cas qu'ils seront, les médias de masse vont charger d'en faire la une des journaux, ça, c'est certain. Pour continuer dans la même veine, c'est-à-dire sur la législation canadienne en matière d'immigration, dernièrement, à partir du 1er juillet, en fait, il y a des nouvelles règles qui vont s'appliquer au programme des travailleurs étrangers temporaires. Peut-être revenir expliquer aux gens rapidement là, qu'est-ce que ce programme-là. C'est un programme qui avait été mis sur pied pour permettre aux employeurs canadiens qui font face à une pénurie de main-d'œuvre à court terme d'embaucher des étrangers pour voir des postes qui, autrement, seraient restés vacants. Évidemment, dans ce cas-là, l'employeur doit démontrer qu'il n'a pas réussi à recruter des citoyens canadiens ou des résidents permanents avant de pouvoir embaucher des travailleurs travailleuses étrangers. Alors, les changements, donc, qui vont entrer en vigueur le 1er juillet qui s'en vient, d'abord, un des changements les plus importants, en tout cas pour les travailleurs, travailleuses, c'est que le permis de résidence ou le permis de travail, en fait, va passer de 4 ans à 2 ans, première chose. Pour les entreprises de 10 employés, elles ne pourront plus faire venir de l'étranger, de 10 employés plus, ne pourront plus faire venir de l'étranger plus de 10 % de leur main-d'œuvre peu rémunérée. Donc, on diminue les quotas. Et puis, dans les régions où le taux de chômage est de plus de 6 %, les employeurs ne peuvent pas recruter de travailleurs étrangers, ne pourront plus, pardon, recruter de travailleurs étrangers dans les secteurs particuliers de l'hôtellerie, du commerce de détail et de la restauration. Et finalement, une autre des nouvelles mesures, c'est que les frais d'ouverture de dossiers par travailleurs étrangers vont passer de 275 $ à 1 000 $. Et comme je l'ai dit, on va voir les quotas diminuer. Donc, c'est très prohibitif. Prohibitif. Évidemment, l'idée derrière tout ça, ce serait de dire... c'est de dire que, il y a des chômeurs, chômeuses au Canada. Parce que d'ailleurs, cette mesure-là, ça s'appelle les Canadiens en premier, Canadian First ou quelque chose comme ça. Ça fait que, tu sais, l'intention... On pourrait dire que l'intention derrière est noble, mais en même temps, encore une fois, ce qui arrive, c'est que, même si ces nouvelles mesures-là ne s'appliquent pas aux entreprises dites agricoles, c'est-à-dire tout le secteur maraîcher, c'est surtout le commerce de détail puis services, restauration, hôtellerie, comme on l'a vu, qui va être touché. Par exemple, tout le secteur de la transformation alimentaire, les abattoirs, les entreprises de conditionnement de poissons, les entreprises paysagistes, des trucs comme ça. Puis ça, ce sont des secteurs, évidemment, où les salaires sont les assez bas. Ouais. Souvent, c'est salaire minimum. Donc, ce sont encore une fois, quand même, les travailleurs, travailleuses les plus vulnérables puis les moins nantis qui se retrouvent à payer, à en faire les frais, quoi. Ouais. Et c'est bien beau, là, évidemment, de vouloir faire travailler des Canadiens et Canadiennes, sauf que justement, oui, si... ces conditions de travail-là, c'est... on sait que les conditions de travail sont souvent mauvaises. Oui, et puis si la loi de départ était faite dans le cadre où ils ne pouvaient pas embaucher de Canadiens, normalement, il n'y avait pas de problème. Quoi. Non, il n'y avait pas de problème, mais de toute façon, souvent, ce sont des emplois que les Canadiens et Canadiennes ne veulent pas prendre parce que justement c'est peu payé puis c'est des conditions de travail pas toujours évidentes. Si on prend la mesure aussi de faire passer le permis de travail de 4 ans à 2 ans, ben ça veut dire qu'en 2 ans, pendant que les personnes sont ici, qu'elles travaillent ici, elles doivent obtenir entre-temps leur résidence permanente pour être en mesure de rester ou on les renvoie chez eux. Quand on connaît déjà les délais là, de traitement des dossiers au ministère de l'Immigration, il y a assez peu de chances que ça arrive qu'une personne puisse régler son dossier. Puis ça, c'est quand qu'elle peut avoir accès à l'aide juridique ou quand qu'elle peut avoir accès à un avocat ou une avocate qui est spécialisée en immigration. Quand on sait que les frais de régularisation de dossiers aussi sont très, très, très chers, comme on a pu le voir dans le cadre des Haïtiens et des Zimbabwéens récemment. Donc, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes. Donc, c'est ça. Donc, de 4 à 2 ans. Puis là, d'ailleurs, le 1er avril dernier, il y a des dizaines de milliers de cas dont leur permis arrivait à échéance le 1er avril 2015. Donc, c'est des dizaines de milliers de personnes qui, là, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec elles, soit qu'elles sont forcées de retourner chez elles ou elles sont forcées de soit se cacher ici soit de faire du travail au noir, puis se retrouvent dans des situations super précaires, sans papier et tout ça. Donc, au lieu d'aider les gens pendant qu'ils sont ici, qui travaillent ici, à obtenir leur résidence permanente, puis à continuer de pourvoir des emplois que, de toute façon... ne sont pas occupés. Les Canadiens et Canadiennes ne veulent pas faire, ben on les renvoie chez eux, on les renvoie dans des situations où ils sont dans une très grande vulnérabilité. Puis précarité. Donc, à voir ça aussi, ce que ça va comment donner. L'évolution, hein. Comme évolution, puis au niveau des statistiques de demande de résidence permanente, puis de combien de personnes on accepte au Canada, mais... je pense qu'on devrait voir les chiffres, les statistiques baisser assez drastiquement. Puis des chiffres, ben c'est pas juste des chiffres, c'est des personnes, c'est des personnes derrière. Oui. Voilà. Alors, je terminerai ma chronique rapidement pour l'autre côté de l'océan. On va s'en aller en Hongrie. Imaginez-vous que depuis le début du mois de mai, il y a 8 millions de foyers hongrois qui ont reçu par la poste un questionnaire en 12 points qui cache assez mal, là, vous allez voir, le discours anti-immigration du gouvernement actuel hongrois. Selon le site Internet du gouvernement, le but de ce questionnaire-là serait de vérifier le soutien de l'opinion publique à de futures éventuelles réformes, mais en le survolant, on voit assez rapidement les connotations et les biais xénophobes sont vraiment évidents. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la première question fait tout de suite l'amalgame entre il y a des questions qui font vraiment l'amalgame entre immigration et terrorisme. Par exemple, pensez-vous que les Hongrois puissent être la cible d'un acte terroriste dans les prochaines années? Oui, c'est ce genre de question qui n'a aucun sens. Qui n'a absolument rien à voir avec l'immigration comme telle. Mais... ensuite, la première question... Ah oui, la première question est quand même pas pire, celle-là. Tu sais, les attentats de Charlie Hebdo a eu le dos large. Hein. C'est assez facile pour la droite dernièrement, européenne. Dernièrement, alors, la première question, c'est... on entend souvent... on entend diverses opinions sur une montée du terrorisme. À votre avis, quel impact a pour vous... pour votre vie, pardon, la propagation du terrorisme, entre parenthèses, le bain de sang en France, les actes choquants de l'État islamique, etc. Fait qu'on voit... C'est crible quand un gouvernement tente de créer la peur par un questionnaire. Mais c'est vraiment, c'est que c'est pas subtil, là, je veux dire, le jupon fait plus que dépasser, comme dirait ma grand-mère. Une autre question, ah oui, puis une autre question, où est-ce qu'on sous-entend, ou en tout cas tout de suite on dit que les politiques de l'Union européenne, on attaque l'Union européenne, donc on sous-entend que les politiques de Bruxelles sont laxistes en matière d'immigration, par exemple. Soutiendriez-vous le gouvernement hongrois pour l'introduction d'une réglementation plus rigoureuse de l'immigration, contrastant avec la politique laxiste de Bruxelles? Je veux dire, c'est... le billet est comme tellement évident. C'est assez problématique de Orban, leur président, qui drague l'extrême droite qui est à 25% et qui part sur des chemins assez troubles. C'est que c'est non seulement un biais, mais la dernière, qui est non la moindre, qui est un pur mensonge total. On finit, le questionnaire se termine par un mensonge qui est « Savez-vous que les migrants économiques traversent la frontière hongroise illégalement et que le nombre des migrants en Hongrie a été récemment multiplié par 20? » De un, c'est que c'est super flou, le récemment, c'est pas quoi. Puis de toute façon, c'est faux, puisque le nombre de demandeurs d'asile est passé de 19 000 en 2013 à 42 000 en 2014. Donc, c'est... Ouais, c'est, voilà. C'est... En tout cas, c'est pas par 20, là. Fait que je sais pas... J'espère que, qu'il y a pas trop de gouvernements qui vont s'inspirer de cette... Le populisme du gouvernement hongrois. C'est ça, qui vont s'inspirer de ça pour aller sonder leur...